c'est la même histoire, c'est la course pour le pognon. Et même ici à côté, on en voit parfois qui débloquent pour de bon. Des histoires de cul très banales en vérité, ou pour un peu trop d'argent qu'on a dépensé. Moi ça me fait bien marrer, j'ai envie de vous dire sans rien penser. Cinglés, cinglés, vous êtes cinglés, cinglés, cinglés, vous êtes tous cinglés. Dans cette société, tu n'as qu'à devoir, c'est celui de dépenser. Peu importe les moyens, peu importe la manière, l'important c'est de raquer. Et même si la fin du mois pour toi commence le premier, et même si tu n'as rien à manger, moi ça me fait bien marrer. J'ai envie de vous dire, sans rien penser, cinglé, cinglé, vous êtes cinglé, cinglé, cinglé, vous êtes tous cinglé. Imagine un monde sans cupidité, où l'homme serait bon. Yeah.